Bonjour Xavier, bonjour à tous, bienvenue sur les chemins de la philosophie. Faut-il avoir l'air malheureux pour faire de la philosophie ? Faut-il avoir la mine réjouie pour se lancer dans le cinéma d'animation ? Cette semaine, on ne choisira pas, on fera les deux, le sourcil froncé et le sourire aux lèvres, en compagnie d'Hayao Miyazaki. Quand j'étais jeune, je voulais être philosophe parce que j'étais préoccupé par tous les problèmes du monde. Mais en voyant ma tête, je me suis dit que j'avais plutôt l'air réjoui. Alors j'ai abandonné la philosophie. Totoro ! Hein, c'est bien Totoro que tu t'appelles ! Chihiro, dépêche-toi un peu ! Château dans le ciel. Voilà, la lessive est faite, nous allons pouvoir y aller. Ouais. Bonjour Hervé Joubert-Laurencin. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes professeur en études cinématographiques à l'Université de Paris-Nanterre, co-directeur de l'unité de recherche Histoire des arts et de la représentation. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Quatre films de Hayao Miyazaki, Mon voisin Totoro, Porco Rosso, Le voyage de Chihiro, Ponyo sur la falaise ». Vous avez dirigé un ouvrage qui paraîtra le 4 mars 2022 dans lequel vous avez écrit un article sur Totoro. Et c'est avec vous que l'on commence cette nouvelle série autour de quatre films de Miyazaki. Quelle joie, ravie de vous accueillir à nouveau. Vous avez entendu le programme, hein, Totoro, Chihiro, Kiki, Le château dans le ciel, et la voix de Miyazaki qui dit qu'il aurait aimé être philosophe, mais quand il s'est regardé dans le miroir, il s'est dit qu'il avait l'air trop heureux pour être philosophe. Vous en pensez quoi ? Bah, je vais essayer de rester joyeux, donc de ne pas être philosophe peut-être. Bah, je ne sais pas, on verra bien. Il a tort de poser les deux en tout cas, parce que dans son cinéma, justement, et toute cette semaine le montrera, il y a de vraies réflexions qu'on peut vraiment qualifier de philosophiques. Ah oui, et puis il y a du sérieux et du joyeux. Parfois en même temps. Peut-être toujours en même temps. Oui, on verra parce que c'est le cas du film dont nous parlons ce matin, Totoro, qui est sans doute un des films les plus connus de Miyazaki. Racontez-nous l'histoire. Certainement. Alors, peut-être que Chihiro est le plus planétaire. C'est celui qui a eu le plus grand succès. C'est une énormité, vraiment. Et Totoro, c'est celui qui est le plus connu rétrospectivement. Ouais. Et aujourd'hui, je crois que oui, c'est celui par lequel on entre dans Miyazaki, je crois d'ailleurs. Mais on pourra raconter l'histoire. L'histoire de réalisation commerciale, par exemple. Ouais, voilà, c'est l'histoire ça. Commerciale est très étonnante parce que le film n'était pas parti pour marcher. Et puis, les peluches ont tout changé. C'est-à-dire que Totoro, c'est devenu aussi une histoire de droits dérivés. Mais pour une fois, c'est une très belle histoire de droits dérivés. C'est devenu une peluche extraordinaire qui s'est vendue énormément et qui a amené avec elle la reconnaissance du film et la reconnaissance du studio, qui était quand même un studio indépendant. Donc les studios Ghibli. Studio Ghibli, qui n'était pas évident au départ. Et ce que j'ai appris assez récemment et que je ne savais pas, c'est le rapport avec le film de Takahata, dont on pourra reparler, Le tombeau des Lucioles, qui est un film complètement inverse, les deux films étant collés l'un à l'autre, presque dos à dos si on veut, mais ils étaient montrés dans le même programme, c'est-à-dire qu'on a lancé le studio Ghibli avec ces deux films, l'un de Takahata, Le tombeau des Lucioles, d'après un roman court, connu, donc un classique en quelque sorte, et qui était donc, ce que j'ai appris, c'est qu'il était donc bon pour les enfants, c'est-à-dire non pas, pour nous ça nous paraît bizarre parce que c'est un film terrible, terrifiant, un mélodrame qui fait vraiment pleurer de façon atroce et ça fait vraiment très peur aux parents français par exemple quand ils sortent avec leurs enfants de ce film. Je parle de celui de Takahata et celui de Miyazaki est complètement l'inverse, Totoro, donc il y en a un tranquille et l'autre terrible en quelque sorte. Mais ce que j'ai appris donc et qui m'a paru incroyable, c'est que Totoro a eu besoin de l'autre parce que l'autre avait une justification en quelque sorte pédagogique, parce que c'était l'histoire des enfants d'après-guerre, c'était l'adaptation d'un livre connu et donc ça pouvait être plus sérieux. Et finalement, Totoro a été emmené par ce film qui apparaissait sérieux et aujourd'hui, tout s'est retourné complètement puisque Totoro est devenu une sorte de locomotive extraordinaire pour tout le studio Ghibli qui a été créé au départ par Takahata et Miyazaki. Le film est tourné en 1988, il sortira en France 10 ans plus tard, je crois. Ouais, beaucoup plus tard. Et l'analyse que vous allez proposer ce matin, on va écouter le film, on va essayer d'y réfléchir ensemble, c'est que dans Totoro, il est beaucoup question de milieu et de rencontres avec des milieux inconnus et qu'au fond, tous les extraits qu'on va entendre seront au service de cette hypothèse, hein, c'est de savoir comment est-ce que le connu peut rencontrer l'inconnu. Je vous propose qu'on embarque dans le film avec la première scène, la scène d'ouverture qui est donc la rencontre avec un nouveau milieu de vie en route. やめる。 お、ありがとう。くたびれたかい？ ううん。 もうじきだよ。 Papa, tu veux un caramel ? Oui, je veux bien, merci. De rien. Ça va, pas trop fatigué ? On arrive Papa. Bientôt. Cache-toi. Oh, j'ai cru que c'était un policier. Oh ! Bonjour! Pardon petit, est-ce que tes parents sont là? J'aimerais les voir. Mon père est là-bas. Merci beaucoup. Oh, et... bien le bonjour! Je suis votre nouveau voisin, monsieur Kusakabe. Bonjour, bienvenue dans la région. Merci. Merci petit, à bientôt. À quoi reconnaît-on un film de Miyazaki? Bien sûr, il y a l'image, mais il y a le son et il y a la musique. Hervé Joubert-Laurencin, on n'entend pas simplement le bruit d'un moteur, on est à côté du moteur dans cet extrait. C'est vrai. On entend un petit moteur pot-pot qui me rappelle celui de Ponyo. Parce que je me souviens que Ponyo, il y a un moment extraordinaire où on construit un petit bateau qu'on appelle les moteurs pot-pot, qui font ce petit bruit pot-pot. Et il devient géant et les personnages peuvent entrer dedans dans Ponyo. C'est une invention assez géniale. Alors ici, il y a un autre moteur pot-pot. C'est celui d'un tout petit véhicule dans lequel il y a énormément de meubles et il y a 4 personnes au total, dont les petites filles qui sont cachées derrière. Et les petites filles qui sont cachées derrière, les films de Miyazaki étant faits de plein de détails, au fond, c'est le détail qui compte. Même s'il y a un ensemble, comme cette musique, comme la narration qui est très complexe, mais en même temps facile à suivre et complètement signifiante, y a aussi, enfin, ce qui est intéressant, c'est les détails. Et donc, la première chose qu'on voit et qu'on a entendu dans le dialogue ici, c'est le caramel. Alors, c'est rien du tout, quoi, mais on voit les deux petites filles cachées dans le petit véhicule, en train d'ouvrir, la grande sœur ouvre une boîte de bonbons et elle offre un bonbon à sa sœur et ensuite elle en offre à son père. C'est pour ça qu'on l'entend dire « Est-ce que tu veux un caramel ?» Alors, bon, c'est rien du tout, mais je pense que c'est tout de même comme vraiment, ils ont travaillé avec Takahata complètement ensemble, avec une partie de tout le personnel qui a fait le film, qui a fait le Tombeau des Lucioles et qui a fait Totoro. Les studios étaient à côté et mangeaient ensemble en quelque sorte. Hein. Et donc, les deux films sont vraiment très jumeaux. Et donc, cette boîte à bonbons qui est quand même un petit détail tout à fait délicieux, très simple, est totalement terrible si on a vu le tombeau des Lucioles. Parce que le tombeau, c'est le tombeau de la petite sœur, et le frère est obligé de voir sa sœur mourir de faim à côté de lui dans le tombeau des Lucioles. Il l'incinère de façon traditionnelle, mais tout seul. Et donc on le voit dehors comme ça, on voit des petites flamèches qui montent vers le ciel. C'est extrêmement émouvant et extrêmement beau parce que ces petites flamèches font penser justement aux lucioles dont on parle dans le film, et puis aussi aux étoiles qui sont dans le ciel, et puis aussi aux étoiles qui vont passer dans un Japon moderne au dernier plan. Enfin bref, tout ça est magnifique, c'est pas du tout larmoyant, mais il met toutes les petites cendres de sa sœur et, comme il dit, ses pauvres petits os minuscule dans une boîte de bonbons. Et c'est celle qu'un balayeur fait tomber et fait s'ouvrir au début du film, parce que au début du film, ça commence par le grand frère qui lui-même est mort comme un mendiant, et un balayeur fait partir sa boîte, la boîte s'ouvre, et là, il y a comme des lucioles qui sortent. Donc Totoro serait le versant moins tragique du tombeau des lucioles, et la boîte à caramel serait le lien. La caramel, pour moi, c'est la boîte qui s'ouvre au tout début de... Donc c'est une boîte qui ouvre une histoire. Voilà. Ouais. Donc le caramel, c'est le début d'une histoire, et de même que la petite boîte avec, on ne sait pas encore que ce sont les cendres de l'enfant morte qui montent comme une lumière et qui fait le début du film. Donc on a une sorte de début de narration. Dans Mon voisin Totoro, pas de mort, pas de tombeau, une maman malade, et donc lointaine, une petite fille qui disparaît temporairement, et la rencontre avec un animal dont on ne sait pas s'il existe ou pas. C'est d'abord, et c'est ce que ce premier extrait raconte, hein, une chronique de la vie paysanne dans le Japon de la seconde moitié du XXe siècle. Mmh. Le cadre est extrêmement ordinaire. C'est très beau parce que la voiture marche en avant, mais c'est comme si on allait en arrière, c'est comme si on entrait dans le passé. Voilà, c'est un voyage dans le temps. C'est un voyage dans le temps offert aux spectateurs de la fin des années 80, et c'est un retour dans un monde, comme l'a dit Miyazaki, je crois, d'avant la télévision. Mmh. Voilà, c'est-à-dire, c'est l'après-guerre, c'est les années 50, et on l'entend dans cette musique qu'on a entendue, on le voit dans les décors qui sont très beaux, très champêtre, avec des rizières, du vert, beaucoup de vert, comme toujours chez Miyazaki, une présence de la nature envahissante, même quand elle n'envahit pas, même quand elle n'est pas, comme dans Mononoke, même tant qu'elle n'est pas encore monstrueuse, elle est déjà très envahissante au sens où, ouais, elle est partout et on doit se lever à l'intérieur du monde naturel. Et la maison qu'il s'apprête à découvrir, qui est la nouvelle maison dans laquelle le père et les deux filles vont vivre, fait elle-même partie de la nature. On va découvrir qu'elle n'a pas été ouverte depuis bien longtemps et qu'à l'intérieur se trouve la première rencontre avec des animaux, des choses bizarres qu'on appelle les noiraudes. Écoutez, c'est au moment où les deux petites filles qui découvrent la maison ouvrent une porte qui va se révéler être la pièce du bain traditionnel, la salle de bain, et qui est occupée par ses habitants étranges. Bien écouté. Satsuki, va ouvrir la porte de derrière. Uh-huh. Allez, dépêche-toi. Uh-huh. Attends-moi. Attends-moi. Tu peux pas m'attraper. La salle de bain. Ouais. Il y a rien là-haut. C'est la salle de bain là-haut? On a vu bouger quelque chose, papa. Un écureuil? Je ne crois pas. C'était des petites bêtes noires. Il y en avait des milliers et des milliers, plein partout. Alors? À mon avis, vous avez vu des noiraudes. Quoi? De vrais noiraudes? Comme dans mon livre d'images? Oui, ça ne peut pas être un fantôme. Il fait jour. On voit souvent des noiraudes quand on passe d'un endroit sombre à un endroit éclairé, parce que les yeux n'ont pas le temps de s'habituer. Mais oui, c'est vrai. Noiraudes, noiraudes, noiraudes, noiraudes, noiraudes, noiraudes, noiraudes, noiraudes. Il y a toujours une réflexion sur la vie domestique dans les films de Miyazaki. Il y a souvent question d'un déménagement ou de la difficulté de rentrer chez soi ou tout simplement d'y vivre. Ici, les noiraudes viennent signaler le caractère d'étrangeté que deux petites filles qui s'apprêtent à vivre dans une nouvelle maison peuvent ressentir. Vous avez entendu ce bruit, hein, c'est comme un... Ouche. Comment le décrire, ouais, ouche. Un petit courant d'air comme ça. À l'écran, ça ressemble à quoi? Comme des espèces de bêtes noires avec des poils? De oui, boules, toutes petites boules noires? Oui, ce qui est très curieux, c'est que c'est comme trouver une vieille maison qui est pleine de vermine. C'est-à-dire que la pièce, pendant un quart de seconde, on la voit entièrement noire du sol au plafond. Et avec ce whoosh, on voit partir immédiatement des milliers, comme le disent les petites filles, des milliers de petites bêtes noires qui s'en vont. Alors, ce serait, si ça n'était pas symbolisé, expliqué, si on donnait pas une explication à tout, ce serait monstrueux, ce serait une espèce de vermine, de maison complètement dégoûtante et noire. Et puis en fait, une fois parti, c'est une vieille maison très belle, et cette maison, ça fait partie du retour dans les années 50, parce que c'est une maison traditionnelle. Donc on vient de découvrir un endroit typiquement japonais, qui est le bain, où la famille va pouvoir prendre son bain. Et puis cette maison est magnifique, parce que elle est très grande, elle a plusieurs pièces, on ne sait pas exactement où sont toutes les pièces, il y a des pièces cachées. Et moi, un jour, je me suis rendu compte qu'il y avait une chose assez extraordinaire, c'est qu'elle a des espèces de pignons en haut des toits. Mmh. Et ces pignons, quand on les voit d'en haut, quand un personnage arrive vers la maison par le haut, ça ressemble à Totoro. C'est-à-dire que Totoro est une invention d'une espèce de grosse peluche qui ressemble à un panda, hein, parce que ça, on peut dire qu'il est venu de Panda Petit Panda, un autre film fait longtemps avant par Miyazaki. Et à partir de cette forme de panda, il a imaginé quelques traits de visage ou de gueule. Hein, on ne sait pas si c'est un animal ou pas un animal, mais il a des oreilles pointues. Et les oreilles pointues ressemblent exactement au pignon de la maison. Donc cette maison a l'air un peu ventrue et elle a déjà cet aspect de Totoro qui est un aspect de doudou accueillant. Et là encore, c'est à l'intérieur d'une sorte de nature inviolée accueillante. Il y a une autre forme accueillante qui est cette maison. Et puis dans un trou, on trouvera une autre forme accueillante qui est à nouveau le gros ventre du Totoro sur lequel va tomber la petite fille. Donc tout ça est une sorte de jeu de boîte, là aussi, un peu comme dans les Lucioles, où il y avait un jeu de boîte. Le Japon était de plus en plus fermé sur lui-même, et c'était donc plutôt politiquement et historiquement que tout était refermé de boîte en boîte. Et là, c'est de boîte en boîte aussi, mais sauf que c'est des boîtes douces, bah, comme le Chabus va être très doux par la suite, hein, et très reposant et inviolé en quelque sorte. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve à l'intérieur de la maison elle-même. On a entendu les filles ouvrir la porte de la salle de bain. Chaque chambre semble signifier quelque chose. Il y en a où il y a beaucoup de lumière, il y en a qui sont beaucoup plus obscures, comme c'était une métaphore du film lui-même. Comme elle dit, c'est un passage du... Peut-être que c'est seulement une illusion d'optique, les petites bêtes. Les petites bêtes, on peut leur donner une explication vraiment très rationnelle et rat-de-terre, comme je disais, de la vermine après tout, pourquoi pas. On peut leur donner une explication complètement extraordinaire. Ce sont des dieux ou ce sont des habitants de la maison comme des sortes de fantômes dans la journée. Et puis, on peut dire aussi que c'est encore... Entre les deux, c'est complètement cinématographique, ce sont des illusions d'optique au fond. D'où l'explication de quand on, tout d'un coup, on est dans une grande lumière et puis on voit un endroit très sombre et tout d'un coup on voit des choses. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, je crois que la première chose forte là-dedans, c'est qu'il faut croire à l'invisible. C'est-à-dire qu'il faut croire que l'invisible peut être visible. Enfin, sinon, on ne s'intéresse pas au cinéma, d'ailleurs. Le cinéma n'est fait que de visible et d'invisible. Il n'y a pas de champ sans hors-champ, donc ça en fait complètement partie. Et puis, je crois que ça veut dire aussi ce moment initial de la découverte, c'est qu'il faut aiguiser ses sens, quoi. C'est-à-dire qu'on suppose un spectateur qui doit être attentif à tout. Voilà. Donc, c'est aussi une façon de dire à son spectateur que tout va être important, qu'il faut écouter et voir tout ce qui se passe. Donc, écouter et voir un film, mais c'est une leçon pour écouter et voir le monde, le monde autour de soi. On va suivre la petite May, 4 ans, hein, qui va la plus jeune des filles, qui va explorer la maison, enfin la nature autour de la maison. Et alors, on va la voir se pencher sur une espèce de trou d'eau pour observer des têtards. À ce moment-là, quelque chose va bouger dans l'herbe. C'est une sorte de gland, puis un autre, puis encore un, puis elle va suivre les petits glands et va apparaître pour la première fois une sorte de... Alors, on ne sait pas ce que c'est. De petites pointes blanches, de petites oreilles blanches. On ne sait pas trop ce que c'est. On n'a pas de nom. Et il faut imaginer que cette petite fille elle-même va se retrouver accroupie comme si elle devenait elle-même un animal. Écoutez comment le son va figurer ce qui semble être une sorte de première métamorphose à ce moment-là du film parce que, précisons-le, Hervé Joubert-Laurencin, Totoro arrive bien tard dans le film. On appelle mon voisin Totoro, mais on ne va pas le retrouver avant de longues dizaines de minutes. On dira pourquoi dans un instant. Écoutez l'extrait donc des têtards au Totoro. Regarde les belles fleurs que j'ai cueillies pour toi. Merci. Oh, des petits têtards. Ah, Alice se demandait si le plaisir de tresser une guirlande de pâquerettes valait la peine de se lever et d'aller cueillir les pâquerettes. Lorsque brusquement, un lapin blanc aux yeux roses passe en courant tout près d'elle. Ceci n'avait rien de particulièrement remarquable et Alice ne trouva pas non plus tellement bizarre d'entendre le lapin se dire à mi-voix « oh mon Dieu, je vais être en retard ». Cependant, lorsque le lapin tira bel et bien une montre de la poche de son gilet, regarda l'heure et se mit à courir de plus belle, Alice se dressa d'un bond, car tout à coup, l'idée lui était venue qu'elle n'avait jamais vu de lapin pourvu d'une poche de gilet, ni d'une montre à tirer de cette poche. Dévorée de curiosité, elle traversa le champ en courant à sa poursuite et eut la chance d'arriver juste à temps pour le voir s'enfoncer comme une flèche dans un large terrier placé sous la haie. Un instant plus tard, elle y pénétrait à son tour, sans se demander une seule fois comment diable elle pourrait bien en sortir. Quand mon voisin Totoro rencontre Alice au pays des merveilles, c'est sur France Culture, les chemins de la philosophie. Vous venez d'entendre un extrait donc de Mon voisin Totoro, le film qui nous accompagne ce matin pour le premier temps de notre série d'émissions autour du cinéma d'Hayao Miyazaki. Et j'ai lu un texte, donc un extrait d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Hervé Joubert-Laurencin, c'est assez troublant. Lu ensemble, mis ensemble, on a l'impression qu'il s'agit exactement de la même histoire. Oui, ça marche très bien. Et quand on continue, très peu de temps après, ça continue. C'est-à-dire que la petite May s'enfonce dans une haie et vraiment à la poursuite d'une sorte de lapin blanc qu'on va appeler un Totoro, mais qu'on ne sait pas encore nommer. Et c'est un premier avatar du grand Totoro. En fait, il y a trois Totoro, donc il y a plusieurs avatars. Un petit, c'est celui qu'on découvre à ce moment-là. C'est la première découverte de la chose la plus étrange et la plus mystérieuse du lieu, et puis un moyen qu'on va voir un peu plus tard, et puis elle va tomber sur le ventre du gros, et le gros va revenir visiter les deux filles, donc les deux petites filles vont le voir. Et ce premier Totoro, il ressemble de façon très évidente au lapin blanc d'Alice. Oui, il n'est pas dessiné comme un lapin, mais c'est la forme du mouvement au fond. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la petite fille qui voit quelque chose d'étrange, qui traverse le pré, qui suit le pré, et comme je vous le disais, les oreilles de la maison ressemblent aux oreilles du grand Totoro. Et là, ce petit Totoro, mais bon, c'est peut-être un peu toujours le même, le Totoro, se voit par les oreilles. C'est-à-dire que la première fois qu'on le voit, c'est dans l'herbe, deux petites pointes triangulaires. On s'aperçoit au bout d'un moment que ce sont des oreilles d'une marche. Donc là, on est vraiment dans le cartoon, c'est comme le dessin animé classique. C'est-à-dire qu'une des grandes aventures du dessin animé classique qu'on appelle le cartoon, c'est de montrer des gens en train de marcher. Ou en train de courir, et comment les gens marchent, comment les humains ont toujours un petit boitement, comment un animal marche d'une certaine manière, saute d'une certaine manière. C'est le Tex Avery, quoi. Alors Tex Avery et tous les autres, ouais. Mais oui, Tex Avery fait courir plus vite et ça explose plus, mais bien sûr, Tex Avery et tous les autres font marcher les gens, et là on a ce petit jeu magnifique de deux marches, la marche de la petite fille de 4 ans, la marche du petit Totoro, donc on ne sait pas très bien comment le nommer, ni comment il marche. Il marche un peu en se dandinant, il ressemble un peu à des oies, je dirais, hein, mais tout petit. Ouais. Voilà. Et elle se retrouve, alors il y a une chose que j'aime énormément, que j'avais appelée le visage végétalisé de May, parce que pendant un quart de seconde, May essaye de poursuivre le Totoro dans un bosquet, et finalement, il n'y a pas de place. Donc il est passé magiquement à l'intérieur, puisqu'il devient invisible facilement, mais pas elle. Donc elle, avec son corps d'humain bien dur, elle se fiche dans les arbres, et pendant un instant, on voit son visage qui n'a plus de traits, ni humain, ni inhumain, elles sont seulement des feuilles. Donc elle a un visage entièrement végétalisé. Elle est devenue entièrement végétalisée. C'est une des mille manières de mettre les humains en relation avec les plantes, au fond. Et il y en a bien d'autres dans le film. Et voilà, c'est un jeu de miroir avec la nature, en quelque sorte. Hein. On parlait d'Alice, mais ça se passe moins comme dans Alice de l'autre côté du miroir, hein. Through the Looking Glass. C'est plutôt la première Alice, la première qu'avait écrite Carroll, c'est-à-dire Alice's Adventures Underground, c'est qui va dans une sorte de puits et qui descend dans un terrier, quoi, qui suit le terrier et qui tombe dans un puits. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Elle se retrouve dans le trou en dessous du grand arbre qui va les protéger, qui est le grand camphrier. Et le père va ensuite expliquer que voilà, c'est un dieu, en quelque sorte, c'est un esprit du lieu, un kami, et qu'on peut lui dire merci de nous aimer, de nous de nous ménager et de vivre en bonne intelligence avec lui. Et de même que le lapin d'Alice va rentrer dans un terrier, donc May va rentrer dans son tunnel végétal, il y aura un chat, le chat-bus de Totoro fait écho au chat des pays de Cheshire. Voilà, c'est le chat qui n'a plus que son sourire. Là, on a une citation très exacte à la fin du film. C'est-à-dire que le chat bus a amené les petites filles pour voir sa mère à l'hôpital à la fin du film. Et elles apparaissent et elles disparaissent. Elles sont invisibles aux yeux des parents, visibles aux yeux du spectateur. Et donc, il y a cet effet d'apparition et de disparition du chat bus qui est très exactement une citation du chat du Cheshire. Le sourire du chat du Cheshire dans Alice, qui n'a plus que son sourire. Il n'y a plus de chat, il n'y a plus que le sourire du chat. Alors, la question est de savoir pourquoi est-ce que le gros Totoro apparaît si tard dans le film. D'ailleurs, je crois que Miyazaki lui-même était inquiet de cette apparition tardive jusqu'à ce qu'on lui rappelle que dans E.T., l'extraterrestre arrivait extrêmement tard aussi, que ça n'avait pas nui au succès du film, donc finalement il s'est dit qu'il pouvait assumer ça. Et la question que se pose Miyazaki, c'est comment faire pour dessiner un personnage donc qui va s'appeler Totoro et qui n'a pas de précédent, qui n'existe pas vraiment, comment lui faire un regard particulier? Écoutez la réponse de Miyazaki, puis vous entendrez ensuite la première rencontre entre May et le gros Totoro. Soyez bien attentifs, ça en fait pleurer plus d'un. Quand on dessine des animaux, il faut dessiner leurs yeux. Et dans le but de simplifier leur travail, certains animateurs dessinent des yeux qu'on peut vraiment comprendre et dans lesquels on peut vraiment regarder. Mais je pense que la nature se situe au-delà de notre compréhension, au-delà de notre psychologie. Donc quand nous fabriquions Totoro, j'ai dit à mes animateurs de s'assurer qu'on ne sache pas où il regardait. Il avait seulement des yeux qui regardaient en l'air. Donc j'ai expliqué à mon équipe qu'on doit faire en sorte qu'on ne sache pas si Totoro est vraiment très intelligent ou très stupide. Peut-être qu'il a des pensées très subtiles ou peut-être qu'il ne pense à rien. Dis-moi, comment tu t'appelles? Est-ce que t'es une grosse noiraude? J'ai compris. Totoro! Hein, c'est bien Totoro que tu t'appelles! T'es un vrai gros Totoro! Totoro. Alors, est-ce que vous aussi, vous pleurez en regardant cette scène, Hervé Joubert-Laurencin? Pas celle-là, non. Moi, c'est plutôt quand la petite fille se perd et qu'on la retrouve ensuite que ça m'émeut. Mais là, il y a quelque chose qui se passe, en tout cas, dans cette rencontre. Dites-nous, qu'est-ce que ça veut dire Totoro, déjà? Oh, Totoro, il semble que ça vienne d'un mot qui désigne les elfes ou les petits personnages et qui se prononce presque Totoro, mais pas exactement Totoro, je crois. Et la petite fille se trompe et alors on invente ce mot. Donc c'est un néologisme? Ouais. Mais moi, je pleure beaucoup au cinéma. Enfin, je pleure assez souvent, mais non, je pleure pas à Totoro. Ah, pas du tout? Le tombeau des Lucioles me fait tomber des litres d'eau. Hein. Je me souviens d'expériences très difficiles où je devais parler après avec un public et j'avais vu le film avec eux au premier rang. Et j'essayais d'arrêter les sanglots. Mais Totoro, non, Totoro est très, très joyeux. Chihiro me fait très très peur, par exemple le début de Chihiro me fait très très peur, c'est extrêmement angoissant, et Totoro est à peu près le contraire. Il y a un côté doudou, oui, mais c'est d'autant plus inquiétant quand justement la petite fille disparaît. On va y venir, commentons cette rencontre entre May et le gros Totoro, où sommes-nous et que se passe-t-il? On a entendu des espèces de borborygmes, d'ailleurs il ne dira rien d'autre, comment se passe cette rencontre? Oh ben, elle est tombée sur lui d'abord, donc c'est un peu un enfant qui joue. Elle tombe sur un ventre et elle rebondit sur un ventre doux, voilà. Et donc elle se retrouve nez à nez, si on peut dire, avec Totoro. Et là, c'est plutôt bouche à bouche. Et plusieurs fois dans le film, c'est un peu comme on voit ça aussi dans Porco Rosso de temps en temps, on retrouve cette manière de dessiner Des grands yeux qui se dilatent et aussi des bouches qui se dilatent démesurément, où on voit des énormes dents, y compris de la petite fille, et qui est quelque chose de très particulier. Enfin, ça fait partie du folklore des animés japonais. Hein, ça fait partie du folklore de ce cartoon très particulier qui sont les dessins animés japonais à partir des années 60-70, où on a beaucoup représenté des bouches énormes, des cris, une espèce d'exaltation comme ça. Et alors, on le retrouve parsemé de temps en temps dans les films de Miyazaki, qui lui a quand même un style qui se différencie de ce mode de dessiner et d'animer surtout, mais il le distille à des moments qui sont très importants. Donc le moment du cri, il est signifié par le dessin à ce moment-là précisément par une ouverture d'une bouche gigantesque. Oui. Donc on a c'est là que ça devient très de nouveau très intéressant et très très très suivi. C'est-à-dire que tout est en miroir. Donc les humains sont en miroir de la nature, et là en l'occurrence avec les personnages, on a la petite Mei qui est exactement en miroir du gros Totoro, alors qu'ils sont radicalement opposés. Elle est minuscule et il est immense, mais il ouvre cette bouche pour faire ce cri particulier. Je me souviens d'avoir promis un jour à une éditrice de faire un livre sur le cri de Totoro, mais je suis pas sûr d'y arriver un jour. Mais je trouve que c'est comme le cri de Tarzan et comme le cri du lion de la MGM. Ça, c'est des choses extraordinaires qui sont fabriquées. C'est-à-dire, c'est des cris non humains où il y a de l'humain, de la voix humaine, il y a du vent. Donc c'est Ghibli qui passe. Le Ghibli, ça désigne un vent, hein, un vent de sirocco. En italien, et du coup c'est passé, c'est devenu le titre le nom du studio de Miyazaki et Takahata. Mais donc il y a un vent, il y a toujours du vent chez Miyazaki. Mmh. Et là on a un vent qui passe directement dans la voix, on a du cri, on a de la musique qui devient du son. Bon, tout ça est très passionnant, et ça passe par cette bouche ouverte comme un four. Et la petite fille crie avec son petit cri, mais elle a la même bouche énorme qu'on retrouve et qu'ensuite elle dessine quand elle est à l'école et qu'elle vient coller à sa grande sœur jusqu'à se faire admettre dans l'école des grands. Et là, elle commence à dessiner le Totoro avec une bouche immense et des dents immenses. Voilà. Et où sont-ils à ce moment-là? Ce sont des espèces de tanières végétales? Oui, c'est une sorte de terrier. Si elle existe. C'est le terrier du lapin blanc, oui, oui. Ils sont vraiment dans un souterrain, et après, c'est un labyrinthe. C'est-à-dire qu'il y a une entrée, une sortie, mais on ne sait pas très bien parce que la porte va se refermer. Ou alors le trou va se refermer. Est-ce que c'est matriciel? Est-ce que c'est maternel? Sans doute. Est-ce que c'est monstrueux? Sans doute aussi. C'est entre les racines de l'arbre géant. On y entre, mais on ne peut plus y entrer après quand ça s'est refermé. On ne retrouve plus le lieu de l'entrée. Et puis quand on essaye de retrouver le chemin, bah, on se retrouve dehors comme dans un labyrinthe. Et il y a donc un mystère, un accès à cet antre de Totoro seulement par la petite fille, et qui n'est plus reproductible par les grands. D'ailleurs, lorsque celle-ci va vouloir ramener son père et Satsuki et sa grande sœur sur le chemin pour retrouver le Totoro, ils se retrouveront nez à nez avec un arbre, le camphrier, et ce sera l'occasion pour le père de raconter ce que c'est que le camphrier et quelle est la place de la forêt dans l'imaginaire japonais. C'est ce que dit Miyazaki lorsqu'il parle de la forêt dans le film Totoro, puis vous entendrez ensuite l'extrait de la rencontre avec le camphrier cette fois-ci. À l'origine de la création de Totoro, il y avait la volonté de ma part de parler de la forêt. Pour moi, la forêt, c'est un véritable être vivant. Mais pour incarner cette forêt, un arbre qui marche, ce n'est pas franchement la meilleure idée. Alors, j'ai cherché à concevoir une sorte d'animal fantastique qui puisse exprimer toutes les valeurs importantes présentes dans les plantes, les arbres, la nature. C'est comme ça qu'est né dans mon imagination le personnage de Totoro. C'était là! T'en es sûr? Oui! Qu'est-ce que tu attends, papa? Dépêche-toi! Le trou n'y est plus, mais c'était pourtant là. T'en es vraiment sûre? Même le trou a complètement disparu. Eh oui, c'est bien ce que je disais, il faut avoir de la chance pour le voir. C'est pas juste, moi aussi je voulais le voir. Un autre jour, si tu as de la chance. Cet arbre est magnifique. Je ne sais pas quel âge il a. Il doit être très vieux. Autrefois, les hommes et les arbres étaient amis. Si j'ai décidé d'acheter la maison, c'est aussi pour la beauté de cet arbre géant. Et je suis certain que votre mère l'aimera beaucoup. Maintenant, saluons notre ami le camphrier et rentrons dîner. Avant dîner, j'avais prévu d'aller faire mes devoirs chez Michiko. Je peux venir? Attention, saluez! Merci, beau camphrier, d'avoir gardé Mei. Protégez-la et protégez-nous. Merci de tout cœur! Chère maman, je sais que c'est difficile à croire, mais aujourd'hui, Mei a vu un fantôme sous l'arbre géant. D'après papa, ce serait plutôt le maître de la forêt. Mais peu importe, j'ai vraiment envie de le rencontrer moi aussi. Et l'auditeur attentif entendra quelques notes, Hervé Joubert-Laurencin, de quel instrument? D'ocarina. Et pourquoi c'est important l'ocarina ici? C'est l'instrument dont joue Totoro lorsqu'il est à la cime de l'arbre. Et, il ressemble à un ocarina voilà, d'ailleurs. Voilà, moi je trouve qu'il ressemble à un ocarina. C'est un instrument, comment le décrire, un peu ovale. Un peu ovale. Ouais. D'ailleurs, oca en italien ça veut dire oie, je crois que ça vient de là, ocarina. C'est la forme d'une oie. Et le Totoro a... Je disais que le petit Totoro se balançait comme une oie, mais le grand Totoro se balance pas autant, mais il a toujours cette forme. Et il y a ces petits trous qui font ses yeux et les traits dont sont faits son visage et qui ressemblent aux trous de l'ocarina. Oui. Ouais. Et ce qui est beau, c'est que l'ocarina, c'est un instrument très étonnant qui est quasiment préhistorique. C'est un instrument très fondamental, au fond. Je comprends très bien qu'il ait voulu exprimer la forêt avec un ocarina, justement. Parce qu'il y a cette espèce d'ampleur très, très ancienne. Oui. Et moi, ce que j'ai entendu, c'est... Qu'est-ce qu'elle a dit, la petite fille? Il faut croire, tu ne croiras pas à sa maman. Elle dit... Quand elle lui écrit la lettre pour raconter ce qui s'est passé. Tu ne vas pas y croire. Ouais. Et ça, c'est le fond de l'affaire. C'est-à-dire, il faut arriver à croire à quelque chose. Quoi. Et le croire, ici, il est... Ça, c'est ce que j'écris dans le... Finalement, j'ai fait un jeu de mots qui vaut ce qu'il vaut dans le livre qui va sortir là de Zéro de conduite à Tomboy pour présenter justement Totoro montré en face d'un autre film et j'ai appelé ça le croire et le croître parce que enfin c'est un peu un jeu de mots à la Fernand de Ligny le croire et le croître parce que il faut croire que les choses naissent, il faut croire à la naissance des choses et à leur au fait qu'elles grandissent en fait. Alors tout ça se mêle, c'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose de non pas pédagogique mais de véritablement une forme d'initiation et une façon de montrer que les hommes doivent grandir, que ce soit des enfants ou pas. Alors ça tombe sur le film d'enfants ou des enfants personnages mais en réalité c'est vrai pour tous, on doit toujours grandir et ce qui grandit toujours c'est précisément les plantes, c'est précisément la nature. Ouais. Donc, croire, c'est très... Enfin, ce que dit le cinéma d'animation, ce que dit le cinéma de Miyazaki, c'est bien ça. C'est qu'il faut arriver à croire. Or, c'est quelque chose d'apparemment très simple, en réalité, de tout à fait général et très profond. C'est-à-dire, il faut croire en quoi ? Il faut croire au monde. Enfin, c'est ce que disait d'ailleurs... ça m'a fait penser à ce que disait Deleuze en parlant du cinéma, quand il écrivait sur le cinéma. Il faut croire en ce monde. Mmh. Voilà. Et au fond, c'est ça qui est dit. Il faut croire que les choses vont croître. Il faut croire que, oui, les arbres peuvent monter, peuvent grandir, et que si on est assez patient, on voit des plantes qui grandissent dans un jardin, ouais. Et on croit au monde. C'est là où le papa est super, c'est parce qu'il ne voit pas le Totoro, mais il dit « je suis sûr qu'il était là ». Enfin, il ne met pas du tout en question une seconde. Le fait que Maï l'ait vu, il dit « juste là, ce soir, on ne le verra pas ». Oui, c'est vrai. Alors, en même temps, il ne croit pas assez pour le voir, d'une certaine manière. Non, mais ne remet pas en question la croyance de la fille. Voilà, il passe, ça n'existe pas. Parfaitement. Et c'est surtout un bon père. Enfin, c'est vraiment sûr. C'est vraiment très étonnant. Mais un mot sur le camphrier quand même, parce que c'est un arbre spécial au Japon, le camphrier. C'est le symbole de la ville d'Hiroshima, parce que c'est le premier arbre qui a repoussé après les bombardements. D'accord. Alors, je ne savais pas que ça allait aussi loin. Moi, je l'avais compris uniquement d'un point de vue visuel. C'est-à-dire que quand on voit la nouvelle pousse pendant la nuit avec les petites filles et les totoros qui font une espèce de danse et de ouais. la danse de la, gymnique, de la fertilité. Gymnique, une sorte de danse de fertilité et qui voit monter immédiatement les plantes. Mmh. Ça devient comme une espèce de camphrier géant et ça prend une forme qui se développe. Et ça se développe quand c'est très haut sur la droite et sur la gauche. Et ça ressemble très exactement à la fumée de la bombe atomique. Sauf que c'est l'inversion puisque c'est la vie qui est en train d'être montrée. Donc moi, je savais pas que c'était carrément... que c'était historique, mais j'avais vu qu'il y avait chez Miyazaki cette inversion de l'extrême horreur nucléaire et puis une sorte d'inversion par les plantes qui poussent et l'arbre qui grandit, et comme un champignon. C'est ça, mais l'arbre est incroyable parce qu'on a envie d'y habiter au fond. Mmh. C'est comme la maison juste en dessous. Miyazaki est très fort pour ça. On peut habiter n'importe où hein, dans ces films. On veut vivre dans ces films et dans n'importe quel recoin des films. Et l'arbre, on a envie d'y faire une cabane immédiatement. Et d'y voler, surtout. Ouais. Parce que Totoro les emmène en volant sur une toupie. C'est quand même très compliqué. Il est très gros, il a une minuscule toupie et il vole sur sa toupie. Mais ça marche. Tout en emmenant les petites filles qui s'aimantent à son corps de façon extrêmement étrange. Ça, c'est une invention d'animateur, vraiment. Alors, où voulez-vous aller, Hervé Joubert, Laurent Saint, puisqu'on a envie de vivre dans ce film. Il nous reste encore du temps pour en parler. Est-ce que vous voulez aller sous la pluie avec Totoro pour assister à un échange d'objets de mondes différents, ou est-ce que vous voulez aller danser, faire la danse rituelle de la fertilité? Oh, bon, peut-être on va aller sous la pluie, non? Allez, ouvrez les parapluies. Basu, osoi ne. Hola. Totoro? On a un autre parapluie? Tiens, je te le prête. Ça se met comme ça, au-dessus de la tête. On entend bien que le bus a quelque chose de particulier, hein, sa manière d'arriver. Il fait un bruit qui ne ressemble pas à un moteur de bus. Un élément de contexte, les deux petites filles sont à l'arrêt de bus au milieu des grands arbres parce qu'elles attendent leur père qui doit rentrer de l'université. Il est anthropologue, hein, il donne des cours, il est chercheur. Et il est en retard et donc les deux petites filles veulent l'attendre. Elles quittent la maison, elles attendent à l'arrêt de bus, il se met à pleuvoir. On a envie de les prendre dans les bras et de leur faire un thé chaud. Quand à ce moment-là survient le Totoro, donc qui est vraiment là au moment où on a envie de venir en aide aux petites filles. Et le bus qui va venir, parce qu'il y a plusieurs bus qui arrivent, à chaque fois les portes s'ouvrent, le père ne descend pas, et ça semble sans fin. Et là, enfin, arrive ce qu'on appelle le chat-bus, qui porte vraiment bien son nom. C'est un bus avec un immense sourire de chat au début. Et là encore, c'est une espèce d'endroit hospitalier dans lequel on a immédiatement envie de s'engouffrer. Et le film est assez fort pour... remettre à plus tard le moment où les petites filles pourront entrer et nous c'est avec ça. Elles à l'intérieur avec ces sièges capitonnés en poils et à l'intérieur du corps d'un chat. C'est vraiment donc comme si on caressait un chat tout en s'asseyant dans un bus, ce qui est quand même en général plutôt l'expérience contraire. dans un bus en général, c'est un peu dur, on a froid, ouais. On n'est pas chez soi et là c'est exactement l'inverse. Donc il y a une inversion très très réussie, très belle, mais tout est dans le détail. Ce qui est très beau, c'est que même d'un point de vue morale, comment dire, de la morale du quotidien, pas du moralisme, hein, le contraire du moralisme. Les petites filles apprennent à penser à l'autre, donc penser à leur père qui a oublié son parapluie. Donc elles vont l'attendre au bus parce qu'elles savent qu'il pleut ou qu'il va pleuvoir et elles lui emmènent son parapluie. Donc elles ont deux parapluies, un pour elles et un pour le père. C'est pour ça qu'elles peuvent donner le parapluie prévu pour leur papa à Totoro, pour lui faire essayer le parapluie, chose qu'il ne connaît pas parce qu'il n'est pas humain. Ouais. Et là, on l'a entendu et c'est magnifique uniquement avec le son. Parce que, enfin, je sais pas, moi, je me souviens avoir fait l'expérience aussi de tournage d'un plan sous la pluie. Et immédiatement, j'ai pensé à ce moment de Totoro. Parce que dès qu'on prend du son et qu'on a un parapluie, ça fait pom, pom. Donc on entend exactement ça. Et le plic-ploc des gouttes sur la toile. On entend le plic-ploc et ensuite, ce qui est très drôle, c'est que Totoro immédiatement est prêt à jouer et lui-même joue avec une chose qu'il jusqu'ici ne connaissait pas. Donc il en fait un exercice de jeu. Il saute et il fait tomber les gouttes. Il fait tomber beaucoup d'eau parce qu'il est très lourd et le sol tremble. Mais là encore, c'est une notation quotidienne magnifique parce qu'en fait, c'est une expérience que nous avons tous faite. Qui consiste à passer sous un arbre et puis s'il y a un coup de vent, et ben tout d'un coup toutes les feuilles d'un coup nous tombent dessus et on se fait mouiller. Et c'est une chose que tout le monde a connue. La sensation des gouttes froides dans la nuque. Exactement. Et on travaille donc avec plusieurs types de sensations que tout le monde connaît pour en fabriquer une histoire. Enfin, c'est vraiment ciselé. C'est vraiment magnifique comme travail. Et c'est vraiment une scène à part dans la succession des scènes qui composent ce film, puisqu'on est vraiment sous la pluie avec elle. Et il y a comme une espèce de transition, là aussi, on l'a dit, ce film est beaucoup à faire de transition entre le réel et l'imaginaire, entre un monde et un autre. Et ici, après la pluie, va se passer quelque chose, parce que finalement, ce que Totoro va faire lors de cette scène, c'est qu'il va donner... en échange du parapluie qu'on lui prête, à ses petites filles, une poignée de graines. Et on ne sait pas à ce moment-là ce que sont ces graines. Elles vont être plantées par les petites filles. Et c'est ce qu'on a appelé l'espèce de danse de la fertilité. Le soir venu, elles vont effectuer une sorte de rituel pour faire en sorte que les graines émergent, c'est ça ? Bah oui, elles vont planter les graines et elles vont tourner autour quand Totoro arrivera la nuit. Donc on ne sait pas si elles sont en train de rêver. Et parce que au matin, finalement, il y a des toutes petites pousses qui sont sorties du sol. Donc là encore, c'est une expérience qu'on peut faire avec des enfants ou quand on est jardinier. C'est-à-dire qu'un jour, oui, la terre a laissé sortir une petite plante. Et c'est de cette minuscule expérience que toute la scène de la nuit a été faite, qui la dilate au fond, qui dilate cette idée du plaisir qu'on a à voir sortir une plante du sol quand on a planté une graine à l'intérieur de la terre. Et elle est simplement énormément développée. De manière fantastique. Et je pense aussi que la graine, il leur donne une graine, mais la graine, c'est elle aussi. C'est-à-dire, c'est des graines de l'avenir. C'est elles qui sont en train de grandir. Donc, le film sait grandir. L'animation montre toujours cette histoire, puisque animer, c'est ça, c'est faire grandir. C'est pas exactement donner la vie, mais c'est faire grandir quelque chose qui n'est encore que inanimé. Donc la graine, c'est aussi elle-même. Là encore, il y a cet échange. Il y a un très bel échange entre eux, mais il y a un échange aussi en miroir. C'est comme si ces deux petites filles étaient une graine. Et je repense aussi que j'ai vu récemment une affiche qui n'a pas existé de Totoro où il y avait seulement la grande sœur. Et il y avait seulement la grande sœur parce que ça, c'est une chose vraiment intéressante et qui sera assez intéressant à comparer à Chihiro. C'est que les deux petites filles pourraient n'être qu'une seule petite fille. Oui. Par leur nom, enfin leur nom dit ça. Alors d'abord par l'histoire du film, puisque d'abord c'était une seule fille, et puis ensuite Miyazaki a senti le besoin d'exprimer des choses qui seraient différentes, donc l'une de 10 ans, l'une de 4 ans, mais en fait c'est comme si c'était la même qui se dédoublait, et on lui fait avoir des aventures, alors qu'on aurait pu avoir une seule petite fille qui avait toutes ses aventures progressivement. Et on le sait par leur prénom, puisque l'une s'appelle Satsuki, qui veut dire mai, le mois de mai en japonais, tandis que l'autre s'appelle Mei, par imitation de Mei en anglais, qui veut dire mai aussi. Ah. Donc elle porte le même nom, qui est un nom de printemps, là aussi, c'est-à-dire le moment où aussi toute la nature est en train de grandir. Et le fait qu'elle porte les deux mêmes noms fait qu'on a une sorte de personnage double ou dédoublé, ce qui est une histoire magnifique parce que bon, ça rejaillira sur le nom de Sen et Chihiro, puisque dans Chihiro, Il y a ce jeu avec le spectateur dans le titre « Sento Chihiro no Kamikakushi » qui veut dire la mystérieuse disparition de Sen et Chihiro. Oui, alors qu'en français, on n'a qu'un seul nom. Voilà, comme s'il y avait deux petites filles, mais c'est un piège, puisqu'il n'y a qu'une seule petite fille, Chihiro, qui devient Sen, qui change de nom. Et donc, on a toujours une seule personne dédoublée en deux. Donc là, on a une skiz qui est vraiment très intéressante, parce qu'elle n'a rien à voir avec la schizophrénie. C'est la skiz, en fait, complètement traditionnelle des grands récits. C'est picaresque, c'est Don Quichotte et Sancho Panza, quoi. Et donc, les personnages sont toujours dédoublés. Il y a le grand, le petit, ils partent ensemble, mais en fait, c'est la même histoire. Donc, c'est vraiment... Ça entre dans les grands récits avec cette espèce de... Ouais, de ski... Ouais, j'appellerais ça une skiz picaresque, quoi. C'est-à-dire qui vient de cette idée qu'il faut vivre toutes les aventures, peut-être à travers plusieurs corps, mais ce sera toujours le même être. Ce qui fait une très bonne transition pour demain, parce qu'on se retrouve demain pour parler du voyage de Chihiro. Ah oui, demain on parle de Chihiro. Et au fond, ça me fait revenir à la mémoire beaucoup de choses. En fait, ça passe par Pasolini. C'est Pasolini qui connaissait tellement les grands récits, qui était un tel narrateur, qu'il a fait un dernier roman dans sa vie qui reprend justement Don Quichotte et Sancho Panza en prenant un personnage qui se coupe en deux. Et donc il l'explique très bien, il explique qu'on a étudié Sancho Panza et Don Quichotte de cette manière-là. Et c'est magnifique parce que c'est une forme de récit. Et je vois que je suis ravi que Miyazaki, ait, par intuition je pense, est entré dans cette forme de récit très, très fort. Enfin. De manière beaucoup plus prosaïque, mais avant demain, parlons d'une dernière chose. On mange beaucoup dans les films de Miyazaki. Alors demain, le voyage de Chihiro, on va énormément manger au début. Surtout les parents. Et ils vont en payer le prix cher. Peut-être connaissez-vous le livre « Les recettes des films » du studio Ghibli, aux éditions Innis. Et donc, on trouve toutes les recettes dans les films dont on parle cette semaine. Et donc, pour mon voisin Totoro, on a la recette d'un bento. Puisqu'effectivement, c'est vrai que les petites filles vont manger un bento. Ils font à manger du riz, etc. C'est souvent appétissant. C'est très. On a toujours Miyazaki. Envie de manger quand on regarde les films de Miyazaki. Donc là, il est bientôt 11h, vous avez peut-être faim. Voilà, niveau de difficulté, c'est deux noix rôdes. Donc je pense qu'on va y arriver. 40 minutes de préparation, je vous laisse découvrir le livre. C'est aux éditions Innis et on se quitte donc avec la toute fin du film de Totoro et la chanson finale qui vous restera dans la tête toute la journée. Mais on est bien Bakamei Emmène-la. Dis-moi un peu, tu voulais apporter l'épine maïs à l'hôpital? Destination hôpital? Tu peux nous emmener voir maman? T'es formidable! Je suis désolée. C'est parce que j'ai attrapé froid que l'hôpital vous a envoyé ce télégramme. J'imagine la frayeur que tu as dû avoir. Pourras-tu seulement me pardonner? Ce n'est rien, juste une petite erreur administrative. Ne t'inquiète pas pour les filles, je vais les rassurer en leur disant que ta sortie n'est que retardée d'une semaine. Je les connais bien et je sais d'avance qu'elles seront extrêmement déçues. Surtout Satsuki, c'est une grande fille maintenant et elle est tellement sensible. Tu as raison. Il faudra faire attention quand je rentrerai à la maison. J'aurai tendance à trop les gâter, forcément. Ne t'en fais pas. Tu as vu maman sourit? Elle n'a pas l'air trop mal en point. Non. J'ai hâte de rentrer à la maison, tu ne peux pas savoir. Je comprends. Oh, un épi de maïs? Oh, c'est bizarre. J'ai cru voir les filles perchées dans cet arbre, c'est sûrement le fruit de mon imagination. Ce n'est pas que le fruit de ton imagination. Regarde. Pour maman. Call me. France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver, comme tous les jours, Frédéric Worms pour sa chronique philo du jour, le pourquoi du comment. Pourquoi la guerre serait-elle naturelle ? La guerre est bien sûr, au sens strict, un phénomène humain et un phénomène politique. On peut même dire très précisément que la guerre est ce que les humains cherchent à éviter par la politique. Les humains recherchant finalement avant tout à construire des sociétés qui évitent ce risque majeur et qui construisent son contraire, ce qu'on appelle la paix. Mais justement, le retour permanent de la guerre, ou du moins du risque de la guerre, et parfois de son éclatement, et jusque quand la paix paraît à peu près garantie, comme aujourd'hui où la guerre semble renaître de partout, ne témoigne-t-il pas ce retour de quelque chose de plus profond dans la guerre, de son appartenance invincible à la nature humaine ? C'est ce qu'on craint, c'est ce qu'ont exprimé beaucoup de philosophes, de penseurs et de poètes après la Première Guerre mondiale, ce massacre apparu dans un état de civilisation et de progrès qui paraissait sans fin. C'est pourquoi Paul Valéry disait, après la Première Guerre mondiale, que les civilisations sont mortelles. Mortelles à cause de la guerre, mortelles peut-être parce que vivantes et parce que la guerre ferait partie de la nature humaine. C'est là le diagnostic le plus sombre, celui que partagent aussi les philosophes de la même époque. Bergson, dans Les deux sources de la morale et de la religion, qui explique que la guerre fait partie de la société naturelle des humains, ou Freud, qui relie la guerre à une pulsion de mort et qui l'explique encore ainsi à Einstein dans un dialogue célèbre entre Freud et Einstein intitulé « Pourquoi la guerre ?». C'est là le diagnostic le plus sombre, celui qui inscrit la guerre dans les profondeurs de la vie et de l'âme humaine comme une force presque invincible qui rend la paix presque impossible ou en tout cas improbable, comme le dira bien plus tard un autre philosophe. Paix impossible, guerre improbable. Eh bien, cette supposition, la pire pourtant, n'est peut-être pas la plus inévitable et il y a d'autres hypothèses sur le lien de la guerre et de la nature. Même l'hypothèse que l'on croit la plus terrible, mais qui est moins terrible que cette force vitale, l'hypothèse de ce qui est resté célèbre sous le nom de l'état de nature, de la guerre de tous contre tous, par exemple, dans ce qu'on appelle le droit naturel moderne, est bien moins terrible encore que cette force vitale invincible. Pour des auteurs comme Hobbes ou comme Rousseau, ou comme Spinoza d'ailleurs au XVIIe et au XVIIIe siècle, l'état de nature est bien cette guerre de tous contre tous. Mais c'est de chaque être humain considéré comme un sujet rationnel et politique avec un droit naturel. Alors bien sûr, ils se font la guerre, mais ils construisent aussi un état pour l'éviter. Et dans la philosophie ancienne, chez Aristote par exemple, philosophe de la nature, mais de la nature qui vise des fins, qui vise le bien, eh bien la guerre est naturelle, mais elle vise un but, elle vise la paix, d'où cette définition extraordinaire. Le but de la guerre est la paix. Il y a donc des philosophies naturelles qui relient la guerre à la paix, qui en font peut-être une force invincible, mais avec une rationalité et même peut-être une finalité qui est celle d'aboutir à la paix. Et même chez les philosophes qui, au XXe siècle, qui encore aujourd'hui cherchent les sources vitales, naturelles, profondes d'une guerre qui ne cesse de revenir, ne faut-il pas aussi chercher dans la nature ce qui conduit vers la paix ? Merci beaucoup Frédéric Worms, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie et à télécharger, à podcaster via l'application Radio France. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Carla Michel en compagnie de Jules Barbier, Manon Delasselle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise pour vous cette série d'émissions sur Miyazaki. À la prise de son, c'était Clara Galivelle. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur Miyazaki, toujours en compagnie d'Hervé Joubert-Laurencin. Cette fois-ci, on parlera du voyage de Chihiro. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Et rendez-vous aussi en podcast, en téléchargement grâce à l'application Radio France notamment qui vous permet d'écouter cette émission où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour et on est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.